Un État palestinien existera-t-il un jour ? La question est polémique, sinon provocatrice, puisque les partisans de la paix et la diplomatie internationale, quasi unanimes, continuent d'affirmer que la résolution de ce conflit vieux de quelques 7 décennies ne peut passer que par la création d'un État palestinien qui coexisterait avec l'État hébreu. Pourtant, lorsqu'on regarde une carte géographique, il apparaît que le territoire sur lequel pourrait s'établir cet éventuel État palestinien est de plus en plus mité par les colonies israéliennes. Une évolution constante depuis la guerre des Six Jours et l'occupation de la Cisjordanie par Tsahal. Aujourd'hui, plus de 500 000 colons israéliens y sont installés et chaque semaine ou presque voient la construction de nouvelles implantations en territoire occupé. Et il ne faut pas attendre du gouvernement israélien, le plus à droite jamais formé en Israël, un infléchissement de cette politique systématique de colonisation. En réalité, c'est en tout cas l'avis des observateurs les plus lucides, faisant fi du droit international et de toutes les résolutions adoptées par l'ONU, l'État israélien poursuit le grignotage de la terre palestinienne, ce qui, à terme, rendra impossible la création d'un État palestinien viable et mettra la communauté internationale devant le fait accompli. Mais n'était-ce pas, dès le début, l'ambition des partisans du grand Israël qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui, tout au long de l'histoire de l'État hébreu, n'ont cessé d'exercer leur influence sur tous les gouvernements israéliens, quelle que soit leur couleur politique. C'est la conviction de Monsieur X. Cette affaire, un homme a joué un rôle essentiel, le général Sharon. Aux différents postes ministériels qu'il a exercés, l'agriculture, la défense, le logement et bien sûr en tant que Premier ministre. Ariel Sharon n'a cessé d'encourager la colonisation dans les territoires occupés. Oui, mais c'est aussi lui qui a décidé d'évacuer Gaza et les colons qui étaient installés. C'est vrai, mais cette décision unilatérale est apparemment conciliatrice, lui a permis de relancer la colonisation en Cisjordanie et a exacerbé l'intransigeance des colons. Ce qui n'a pas dû forcément déplaire à Sharon, qui un jour a déclaré « La meilleure réponse aux questions de sécurité, c'est la colonisation ». Là, tout était dit. Je le pense. Alors, je vous propose de retracer chronologiquement l'histoire de la colonisation. Un terme que réfutent d'ailleurs les colons. Bien sûr. Pour eux, la Judée-Samarie, comme ils appellent la Cisjordanie, leur appartient depuis qu'elle a été donnée par Dieu à Abraham et à sa descendance. La preuve, disent-ils, c'est que c'est écrit dans la Bible. Ah oui, la Bible alors qu'ils considèrent comme une sorte d'acte notarié. En effet. S'y ajoute une conception messianique de la colonisation qui est partagée par des colons toujours plus nombreux. Expliquez-moi. Pour eux, l'arrivée du Messie et la rédemption complète ne pourront intervenir que lorsque les Juifs du monde entier auront regagné l'intégralité de la terre biblique. Donc, y compris la Cisjordanie. Et quand les Juifs seront rassemblés sur la terre d'Israël, l'antique royauté sera rétablie, le temple sera reconstruit et la paix règnera sur le monde. C'est ce que croient ces Juifs très religieux qui peuplent les colonies, ou les implantations, comme on dit plus pudiquement là-bas. Même s'il faut rappeler l'importance de la colonisation économique dans le Grand Jérusalem. Alors, l'histoire maintenant, il faut d'abord se souvenir des images de juin 1967, après la victoire des Israéliens. À l'issue de la guerre des six jours. Hein. Oui, on voit alors des soldats triomphants qui exultent sur l'esplanade des mosquées. Qui est le mont du Temple. Qui est aussi un lieu sacré pour les musulmans. Et Moshe Dayan, prenant conscience de la portée symbolique de ces images, donne aussitôt l'ordre d'évacuer ce lieu saint musulman. Les juifs pieux devant se contenter de prier devant le mur des Lamentations. Qui est un vestige du temple de Salomon. Oui, et certains soldats vivront cela comme un véritable traumatisme. Ils formeront le fer de lance du futur mouvement de colonisation. Et à ce moment-là commence l'occupation de la Cisjordanie. Mais aussi celle du Golan, du Sinaï et de Gaza. Est-ce que cette occupation a été approuvée par la population israélienne ? Oh, globalement, oui. Parce que les Israéliens ont considéré que cette occupation, au moins temporaire, garantirait leur sécurité. Mais des voix minoritaires en ont aussi souligné le danger. Un philosophe comme Leibowitz a ainsi pu prédire qu'en choisissant l'occupation puis la colonisation qui suivrait, Israël perdrait son âme. Toutefois, d'autres, plus radicaux, parmi lesquels les membres du futur Likoud, ont au contraire affirmé qu'il faudrait en profiter pour annexer militairement les territoires occupés et sans état d'âme. C'est ce que disait déjà Jabotinsky, le pionnier du nationalisme juif. Qui plaidait même pour la création d'un grand Israël à cheval sur les deux rives du Jourdain. Quoi qu'il en soit, très vite, le mouvement de colonisation est amorcé, même s'il répond à des motivations différentes. Il y a d'abord les religieux, n'y revenons pas. Sinon, pour souligner que pour eux, le sionisme, une idéologie laïque n'est qu'une étape sur le chemin conduisant au temps messianique. Bref, les mécréants sionistes ne le savent pas, mais en réalité, en favorisant la colonisation, ils servent la volonté divine. Mais si ces sionistes-là sont en faveur de la colonisation, sont-ils soutenus par le gouvernement ? La position gouvernementale reste assez floue. Mais ce sont alors, au moment de la guerre des six jours, les travaillistes qui sont au pouvoir. Sous la direction de Lévi Eskol. Mais au-delà du flou entretenu sur cette question fondamentale, il faut observer que dès le 1er juillet 1967, le vice-premier ministre travailliste Yigal Alon élabore un plan qui favorise franchement la colonisation, excluant toutes les références bibliques ou historiques. Alon met en avant la sécurité. Oui, c'est ce que réclament les Israéliens. Oui. Et Alon voit très grand. Afin de garantir des frontières sûres pour l'État hébreu, il imagine une zone sécuritaire d'une vingtaine de kilomètres de large sur le front Est, c'est-à-dire le long de la vallée du Jourdain et du désert de Judée. Il entend donc y construire des fortifications protégées par des champs de mines. Et au-delà, l'installation de colonies, afin de faire de cette zone une frontière vivante et pérenne. Mais il y ajoute la mise en place d'un corps de l'armée formé de jeunes Israéliens. Et dans quel but, Créer des colonies agricoles dans les territoires occupés. Et déjà, Alon prône l'occupation des collines de Cisjordanie du Nord et d'une partie du désert de Judée. Enfin, ce plan ambitieux prévoit aussi l'établissement d'un corridor de peuplement permettant de relier Jérusalem-Est à la vallée du Jourdain. Jérusalem-Est où serait lancé un programme de construction de quartiers pouvant accueillir des dizaines de milliers d'Israéliens. Ce qui peut se traduire par une annexion de fait. Et au fond, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une parfaite application de ce plan Alon. En effet. Et dans la réalité, ça commence presque aussitôt. D'abord sur un site emblématique, le Gush Etzion, c'est-à-dire le Bloc Etzion, un ensemble de kibboutz religieux édifiés au sud de Jérusalem en 1943. Leurs habitants avaient été chassés et même massacrés lors de la guerre de 1948. Donc, et après le partage de la Palestine, c'était devenu une terre sous contrôle jordanien. Bien sûr. Et dès la victoire de Tsahal, les rescapés envisagent de revenir. Parmi eux se trouve un activiste nationaliste, Hanan Porat, qui va devenir l'un des chefs de file de la colonisation. Il inaugure une méthode efficace et qui perdure jusqu'à nos jours. Le lobbying actif et le harcèlement du pouvoir via le Parti National Religieux. Un parti associé aujourd'hui au gouvernement de Netanyahou. Et Porat parvient à ses fins ? Oui, malgré les réticences du Premier ministre, il reprend possession du Gush Etzion dès le mois de septembre 1967. Mais dans son esprit, ce n'est qu'une première étape d'une irrésistible trajectoire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, 15 colonies ont vu le jour autour du Gushetzion. Et la suite, alors? Après Dion, les pionniers de la colonisation visaient Bon, une ville palestinienne qui se trouve au sud de la Cisjordanie. Et là encore, le symbole est fort. Oui, mais c'est à cause de la présence à Hébron du caveau des patriarches. C'est-à-dire le lieu où seraient enterrés Abraham et Sarah, Jacob et Léa, Isaac et Rebecca. Autant de figures légendaires de l'histoire juive. Mais il y a aussi le fait qu'en 1929, des juifs ont été massacrés à Hébron. En tout cas, les extrémistes religieux vont user d'une nouvelle tactique, celle du fait accompli. Et c'est-à-dire? Après avoir tenté en vain d'acheter des appartements en ville, ils décident de louer des chambres dans un hôtel de la vieille ville, afin d'y fêter la Pâque juive de 1968. Ils sont environ 60. Et dès qu'ils sont à l'hôtel, ils envoient des télégrammes provocateurs au gouvernement pour lui signifier que leur installation est définitive. Et réaction du pouvoir? Il les soutient. Yigal Alon leur rend visite et approuve leur idée de créer une yeshiva. Là, c'est une école religieuse. Oui. Et bientôt, ces occupants se retrouvent installés avec leur famille dans les locaux du gouverneur militaire de Hébron. Toutefois, on ne leur permet pas de s'installer dans la ville. En compensation, en 1970, il leur est accordé d'édifier une colonie sur les collines qui dominent la ville. Ce sera Kiryat Arba, l'une des colonies les plus radicales de toute la Cisjordanie. En même temps, on construit tout un réseau de routes nouvelles afin que les colons puissent se rendre sans risque au caveau des patriarches au sein de la vieille ville. Mais ce n'est qu'un début. Mais ces mesures alors, ne suffisent pas aux colons. C'est ça. En 1979, deuxième tentative de repeuplement d'Hébron. Une dizaine de femmes et leurs enfants s'installent en pleine nuit dans un ancien dispensaire. Le gouvernement refuse de légitimer cette implantation. Mais le groupe résiste et reste dans les lieux protégés par la police et l'armée. Cependant, en mai 1980, 6 jeunes juifs sont assassinés par des Palestiniens dans Hébron. Le gouvernement, c'est maintenant le très conservateur Menahem Begin, qui est au pouvoir, donne alors le feu vert à l'installation officielle des Juifs dans la ville. Les colons ont gagné. Et le pouvoir décide même de financer la rénovation des habitations. Pour lui, c'est, je cite, « une réponse sioniste à l'assassinat de ces Juifs ». Et dorénavant, chaque fête juive ou chaque attentat palestinien seront exploités par les colons afin d'élargir leur présence. Une représentante de ces colons pourra même affirmer cyniquement « chaque fois qu'on a un mort, on en profite pour construire. » Qui sont les colons? Tel est le titre d'un ouvrage de deux journalistes, Claire Snegaroff et Michael Blum. Dans cet extrait, ils racontent leur rencontre avec un colon de Kiryat Arba, Eliakim, avocat, militant extrémiste et colon de la première heure. C'est lui qui parle. Les habitants des implantations sont les juifs de l'État d'Israël. Et les gens d'Hébron sont les juifs des juifs. Ici, tout est résumé de manière très concentrée. Il formule cette phrase avec application. Il est évident qu'il a beaucoup réfléchi à cette définition. Quand on lui demande ce qu'est un juif, il répond « Un juif, c'est quelqu'un qui achète tout par son sang. Assis dans un canapé en cuir confortable, il se redresse. Ici, il y a du sang à chaque mètre. Quand on lit la liste des morts, ça n'en finit pas. » Les gens restent bouche bée. Combien encore? Comment font-ils pour vivre dans une telle mare de sang? Et il reprend. Ici, c'est une histoire baignée de sang. Un endroit de peur et de traumatisme. Oui, Hébron est un endroit traumatique. On savait, en venant ici, que ce ne serait pas gratuit et que le prix à payer serait celui du sang. Rendez-vous avec X. Encore quelques mots sur Hébron. Dans la vieille ville, les Arabes et les Juifs doivent vivre côte à côte, ou plutôt les uns contre les autres. Les habitations des colons sont situées au-dessus du vieux souk, et on a dû installer des filets ou des plaques de plexiglas pour protéger les Palestiniens contre les jets de pierres ou d'ordures lancés par les colons depuis leurs fenêtres. Et bien sûr, la situation s'est encore un peu plus tendue après le massacre du caveau des Patriarches. En 1994, oui. Un colon fanatique, Baruch Goldstein, a tué 29 Palestiniens et en a blessé des dizaines d'autres à l'intérieur de l'édifice. À la suite de ce drame, on y a édifié un mur de séparation, fermé la principale rue commerçante qui traversait la ville, construit à grands frais des accès pour les pratiquants juifs, et aujourd'hui, les 700 colons d'Hébron vivent sous la protection permanente de 2000 soldats. Une situation explosive ou provocatrice. Hein, oui. Oui, parce qu'à Hébron, on compte 180 000 Palestiniens. Et donc seulement 700 Juifs. Après Hébron, le mouvement des colons vise le nord de la Cisjordanie. Et c'est un nouveau lieu symbolique qui est choisi. Elon Moreh, là où, selon la Bible, Dieu serait apparu à Abraham, et lui aurait dit « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays ». Au début des années 70, l'embryon d'implantation initié par ce petit noyau de juifs radicaux déjà actifs dans la région de Jérusalem est soutenu par Moshe Dayan. Mais c'est le traumatisme de la guerre du Kippour en 1973 qui accélère le mouvement. Ouais, j'imagine, toujours avec des arguments sécuritaires. Évidemment. Et déjà s'esquisse une politique systématique d'accaparement des territoires occupés, et en particulier des collines. C'est ainsi, avec la bénédiction d'un rabbin extrémiste et le soutien actif d'Ariel Sharon, que ce groupe va tenter à plusieurs reprises de s'implanter à Elon Moreh. À plusieurs reprises, ça veut dire que le gouvernement s'y oppose. Oui, mais ces futurs colons reçoivent l'appui d'un nouveau mouvement, le Gush Emunim, le bloc de la foi, fondé par ce porat dont je vous ai déjà parlé, et un rabbin, Moshe Levinger. Cette organisation qui va gagner en influence se situe clairement dans une perspective messianique. Or, assez bizarrement, le travailliste Shimon Peres, qui est alors ministre de la Défense, prend fait et cause pour le Gush Emunim. Bizarrement, oui, parce que ces gens sont politiquement hostiles aux travaillistes. Ah, c'est évident. Et pourtant, Peres débloque des budgets en leur faveur, alors que le premier ministre Rabin, lui, leur est opposé. En tout cas, fort du soutien de Peres, le Gush Emunim se lance dans une huitième et ultime tentative d'occupation. Et cette fois, le gouvernement laisse faire. Les colons ont gagné. Mais il faut dire que l'opinion publique israélienne a aussi évolué. Ces nouveaux colons sont assimilés aux pionniers du sionisme, ceux d'avant 1948, qui ont créé de toutes pièces les premiers kibbutz. Cependant, c'est avec la victoire du Likoud en 1977 et l'arrivée au pouvoir du très conservateur Menahem Begin qu'on va observer une accélération de la colonisation. Toutefois, au moins jusqu'en 1979 et la signature des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël, le soutien gouvernemental est relativement discret. Mais c'est parfaitement hypocrite, car ces nouvelles implantations s'effectuent dans des camps militaires. Oui, donc obligatoirement avec l'accord du pouvoir. Et après 1979, c'est encore plus évident. Mieux, pour empêcher le recours à la Cour suprême lors de la réquisition de terres arabes, le gouvernement ressuscite une vieille loi ottomane. Elle permet de déclarer terre domaniale tout terrain qui n'a pas été cultivé pendant au moins 10 ans ou qui l'a été, mais avec une interruption de 3 ans consécutifs, ou bien encore une terre relativement éloignée du lieu d'habitation le plus proche. En même temps, le gouvernement Begin autorise l'achat de terrains palestiniens par des organismes privés dans toute la Cisjordanie. D'accord, mais ce sont des Palestiniens qui vendent. Certes, mais ils se créent des sociétés écrans aux noms arabes pour dissimuler le fait que les acheteurs sont en réalité des colons. Parallèlement, la colonisation s'institutionnalise. Les activistes du Gush Emunim prennent la tête de conseils municipaux et régionaux. Et en 1980, on voit apparaître un conseil des implantations juives de Judée-Samarie et de Gaza qui regroupe les élus. Un groupe de pression. Ah, qui va se révéler très efficace. Et à côté, on trouve une structure, l'AMANA, chargée de la construction sur le terrain, qui met aussi à la disposition des futurs colons des mobilhomes qui deviennent autant d'avant-postes, installés préalablement à l'édification de bâtiments en dur. Et naturellement, dans ce processus, Ariel Sharon, ministre de l'Agriculture, joue un rôle clé. Car non seulement il gère les terres domaniales, mais il dirige aussi la commission interministérielle chargée de la colonisation. Le Likoud a donc officiellement choisi la colonisation sans se dissimuler le moins du monde. Alors que pour les travaillistes, la colonisation devait éviter les régions palestiniennes très peuplées. Le gouvernement de Begin n'a plus ce genre de pudeur. Aucune zone de Cisjordanie ou de Gaza ne peut échapper à la colonisation. Et surtout, les nouvelles colonies doivent aussi bloquer toute expansion des localités palestiniennes auxquelles ne sont plus accordées d'autorisations de construire. Ainsi, en 1983, le gouvernement adopte le plan des 100 000, prévoyant l'installation de 80 000 colons supplémentaires en Cisjordanie afin d'atteindre le chiffre de 100 000 en 1986. Et alors quand les travaillistes reviennent au pouvoir ? En 1984, à la faveur de la formation d'un gouvernement d'union nationale, eh bien le mouvement se ralentit. Se ralentit, mais il ne s'arrête pas. Et bientôt, la Cisjordanie est quadrillée par un important réseau routier destiné à relier les colonies entre elles et Israël. Oui, des routes réservées à la circulation exclusive des colons. Et ensuite, c'est Sharon, une nouvelle fois, qui va favoriser la multiplication des colonies. Sur la touche, en 1982, à la suite de sa mise en cause dans les massacres de Sabra et Shatila, il revient au premier plan en 1990, lorsqu'il est nommé ministre de la Construction et de l'Aménagement. Mais en 1992, le balancier penche à nouveau dans l'autre sens. Ah, c'est le retour des travaillistes. Hein. Avec Yitzhak Rabin au poste de Premier ministre. On a alors l'impression qu'un vent nouveau souffle sur les rapports entre Israéliens et Palestiniens. Oui, on s'achemine vers la signature des accords d'Oslo. Qui prévoit le retrait par étapes des troupes israéliennes. À l'exception notable, toutefois, des colonies de la bande de Gaza et de Jéricho. Puis en 1995, une deuxième série d'accords envisage le transfert progressif des pouvoirs dans les territoires occupés à l'autorité palestinienne. Et alors, les colonies existantes ? Leur sort doit être réglé à partir de 1996 dans le cadre des négociations globales sur le statut final de la Cisjordanie et de Gaza. Et les deux parties se donnent jusqu'en 1999 pour aboutir. Oui, mais Rabin, l'artisan de ces accords, est assassiné par un extrémiste juif. Qui a vraisemblablement été le bras armé des rabbins et des colons les plus radicaux. Et en 1996, contre toute attente, c'est le Likoud qui revient aux affaires. Et Netanyahou devient Premier ministre. Il ne va avoir rien de plus pressé que de détricoter les accords d'Oslo. Mais même avant, beaucoup de Palestiniens ont eu l'impression d'avoir été dupés. Parce qu'ils ont offert beaucoup plus que leurs partenaires, en particulier la reconnaissance de l'État hébreu. Alors que symétriquement, les Israéliens ont seulement accepté de considérer que l'OLP de Yasser Arafat représentait le peuple palestinien et ne se sont pas engagés sur un arrêt de la colonisation. Rabin a quand même envoyé des signes positifs aux Palestiniens. Certes, mais il a laissé la colonisation se poursuivre dans la vallée du Jourdain et la région du Grand Jérusalem. Au total, à la fin du mandat Rabin, puis celui de Pérez, si aucune implantation nouvelle n'a été créée. Dans la réalité, le nombre de colons est passé de 100 000 à 140 000. Et 4 000 unités de logement ont été mises en construction. Et ça va donc encore s'accroître sous Bibi Netanyahou. Entre 1996 et 1999, la Cisjordanie accueille 36 000 colons sous la houlette de l'indéboulonnable Sharon, nommé ministre des Infrastructures. Faut aussi observer les graves incidents provoqués par une initiative de Netanyahou qui autorise des recherches archéologiques à proximité du mur des Lamentations et donc sous l'esplanade des mosquées. Après une semaine d'affrontements, on relève 85 morts, dont plus de 60 Palestiniens. L'archéologie, c'est un sujet très sensible en Palestine. Oui, parce que les Israéliens les plus religieux veulent à tout prix prouver l'antériorité de leur présence en Cisjordanie. Mais enfin, passons. Autre fait important, sous la pression états-unienne, Netanyahou doit respecter un accord conclu entre Arafat et son prédécesseur, Pérez. Une partie de la ville d'Hébron passe sous autorité palestinienne. Les colons du Gush Emunim ne lui pardonneront pas et lui feront perdre les élections en 1999. Ouais, et c'est donc à nouveau le retour des travaillistes. Et à nouveau, on se prend à espérer car le nouveau Premier ministre, Ehud Barak, veut apparemment relancer le processus de paix. Mais ça se terminera par un échec. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Sans empiéter sur la suite du récit de Monsieur X, et donc sur la chronologie, il me paraît quand même utile de vous citer cet extrait éclairant du livre de deux éminents auteurs israéliens, Idit Zertal et Akiva Eldar, intitulé « Les seigneurs de la terre ». Paradoxalement, et sans doute à la faveur de l'indifférence générale et du déni de l'occupation et des colonies juives dans les territoires palestiniens, 65 ans après sa fondation, Israël est un État occupé par son occupation et par ses propres colons juifs. Les 46 ans qui se sont écoulés depuis juin 1967, plus des deux tiers de l'existence d'Israël, ont fait des territoires occupés le cœur de la vie et de la politique du pays. L'assujettissement et l'oppression quotidienne du peuple palestinien en sont venus à constituer l'état d'esprit d'Israël. Ils sont devenus l'air qu'ils respirent. Ils font désormais partie de la définition de soi des citoyens, et ce dans une sorte d'inconscience, d'anesthésie générale et d'irresponsabilité générale. Un nouvel échec, donc. Bon, je n'entre pas dans le détail, car nous en avons parlé autrefois, mais il est certain que malgré les progrès enregistrés dans les négociations israélo-palestiniennes sous la houlette de Clinton, Barak a eu peur des réactions des nationalistes et des religieux, tandis qu'Arafat, pour sa part, n'a sans doute pas été suffisamment réaliste. Et on lui a fait porter, à mon avis, à tort, la seule responsabilité de l'échec de ces négociations. En tout cas, Ariel Sharon, toujours lui, a immédiatement tiré parti de cet échec. Oui, on voulait parler de son coup d'éclat là sur l'esplanade des mosquées à la fin de septembre 2000. Une visite surprise mûrement préparée. Et c'est le début de la première intifada. Et 5 mois plus tard, Sharon devient Premier ministre. Avec lui, et malgré le démantèlement des colonies de Gaza, le développement des colonies en Cisjordanie se poursuit. Son véritable projet, c'est d'aboutir à l'existence d'enclaves palestiniennes, des bantoustans, comme diront ses détracteurs. Ouais, c'est-à-dire d'enclaves au milieu d'une Cisjordanie colonisée. Et pas le contraire. Il décide donc d'accroître l'aide financière aux colonies et d'autoriser la création d'avant-postes à proximité des colonies existantes, ce qui permet de ne pas les comptabiliser comme de nouvelles implantations. Mais on voit aussi apparaître des colonies sauvages qui poussent comme des champignons dans les territoires aux abords des axes routiers. Des colonies illégales, donc. Ah, seulement en apparence, car les routes qu'on ouvre ou les mobilhomes qu'on installe bénéficient aussitôt de la protection de l'armée. Et si par hasard cette même armée procède à des évacuations, celles-ci sont immédiatement suivies par d'autres implantations. Et il faut noter que les ministres travaillistes du gouvernement d'Union nationale de Sharon n'y trouve rien à redire. Il y a donc consensus. Même s'il n'est pas avoué. Autre point de crispation entre Israéliens et Palestiniens. Le mur de séparation, que ces derniers appellent aussi le mur de l'apartheid, c'est encore une idée de Sharon, ça. Sa construction débute à l'été 2002. Bah, il s'agit de prévenir les attentats. Hein. Des attentats généralement imputés au Hamas et qui, c'est vrai, ont conforté le camp des jusqu'au boutistes et traumatisé la population israélienne. Cette barrière de sécurité devrait mesurer à terme entre 680 et 709 kilomètres, soit plus du double de la longueur de la ligne verte. La ligne verte, c'est-à-dire l'ancienne frontière entre Israël et la Cisjordanie. Hein. Ça signifie donc que le mur fait de nombreuses incursions en territoire palestinien. Des terres agricoles qui ont été réquisitionnées par le ministère de la Défense afin d'intégrer les plus grosses colonies israéliennes. Ce qui aboutit à confiner des milliers de Palestiniens dans de véritables enclaves, dont ils ne peuvent sortir qu'en passant par des checkpoints où ils doivent produire des permis devant des gardes trop souvent tatillons. Mais ce mur a au moins un mérite. Le nombre des attentats a fortement diminué. C'est vrai. Cependant, ce mur est une source de frustration permanente pour les Palestiniens. Quant aux Israéliens les plus lucides ou les mieux informés, ils s'inquiètent de plus en plus. Alors, expliquez-moi. Ce sont la violence et la radicalisation des colons qui leur font peur. Exemple, en 2008, Yuval Diskin, le chef du Shabak, c'est-à-dire le service de sécurité intérieure, révèle qu'un groupe d'extrême droite se tiendrait prêt à assassiner des hommes politiques. Et un peu plus tard, le Premier ministre, Ehud Olmert, dénonce l'insubordination croissante des colons de Cisjordanie et annonce même que le gouvernement va créer une équipe spéciale pour maîtriser les colons à la suite d'une escalade de la violence de ces derniers à Hébron. Ce qui n'empêche pas son successeur, Netanyahou, d'accroître une nouvelle fois le nombre de colons. Oui, le mouvement se poursuit inexorablement. Et en 2012, un comité d'experts réuni à l'initiative de Netanyahou, sous la présidence d'un magistrat de la Cour suprême, rend des conclusions pour le moins extravagantes. Selon eux, il n'y aurait pas d'occupation israélienne en Cisjordanie. Mieux, le gouvernement devrait légaliser toutes les colonies et même celles qui seront créées dans le futur. Toutefois, Netanyahou juge ce texte si explosif qu'il préfère le passer sous silence, d'autant que les représentants des colons ne cessent de gagner en influence, et même dans les instances officielles. C'est-à-dire ? Ben, ils ont fait leur entrée à la Knesset. Et dès 2013, le parti de Naftali Bennett, le foyer juif, héritier du parti national religieux, entre dans la coalition gouvernementale. Et ça, c'est une victoire encore accentuée lors des dernières élections. Et la formation d'un nouveau cabinet Netanyahou, encore plus orienté à droite, où ce même Bennett occupe le portefeuille de l'éducation. Un politicien charismatique qui a fait scandale en 2013 lorsqu'il a déclaré à l'occasion de la libération de prisonniers palestiniens: si vous attrapez des terroristes, vous devez simplement les tuer. Oui. Et puis, il y a la situation toujours plus tendue à Jérusalem même. Oui. Avant la dernière campagne meurtrière de Tsahal à Gaza, censée faire cesser les tirs de roquettes sur Israël, on a observé des émeutes régulières entre de jeunes Palestiniens et les forces de l'ordre israéliennes. À l'origine, il y a eu l'assassinat début juillet 2014 d'un Palestinien de 16 ans à Jérusalem-Est, brûlé vif par des colons. Oui, c'est une vengeance à la suite de l'enlèvement en Cisjordanie de trois jeunes juifs. Dont les corps ont été retrouvés après trois semaines de recherche. Et puis en octobre 2014, la tension est encore montée d'un cran lorsqu'un habitant de la grande zone arabe de Jérusalem-Est a tué un bébé en renversant en voiture des passants à un arrêt de tramway. Et naturellement, les annonces de Netanyahou sur un nouveau plan de construction de 1060 logements n'ont rien fait pour apaiser la situation. Netanyahou, qui a aussi déclaré que l'instauration d'un État palestinien et l'évacuation de la Cisjordanie offriraient une plateforme à l'islam radical pour attaquer Israël. Oui, mais ça, c'était juste avant les élections. Bien sûr. Et ce n'était pas innocent. Mais ça lui a servi puisqu'il a remporté le scrutin. Et qu'il s'est succédé à lui-même. Mais c'est au prix d'un isolement international croissant. En témoigne en particulier le succès du mouvement BDS. Eh bien, expliquez. BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Et l'objectif, c'est la fin de l'occupation et l'octroi de droits égaux pour les Arabes israéliens. En pratiquant par exemple le boycott des produits originaires des colonies israéliennes. Et ça provoque beaucoup d'inquiétudes en Israël. Autre sujet de préoccupation, le refroidissement des relations avec le grand allié américain. Un refroidissement tout relatif d'ailleurs, puisque l'administration démocrate a reconduit en décembre 2014 une aide militaire de 3 milliards de dollars pour Israël. Oui, mais Obama, semble-t-il, a quand même pris ses distances. Oui, mais aux États-Unis, ce sont surtout les républicains majoritaires dans les deux chambres qui soutiennent Israël et la colonisation pour des motifs religieux et idéologiques. Et parmi eux, les membres du Tea Party, ces protestants évangéliques, sont exactement dans le même état d'esprit que les colons religieux. Ils croient en effet que le retour de tous les juifs sur la terre promise annoncera la fin des temps et l'avènement du règne du Christ. Mais dans ces conditions, un État palestinien peut-il encore exister ? J'en doute de plus en plus. Et malgré les quelques succès remportés par les Palestiniens au niveau international. D'abord en 2012, l'accession de la Palestine au rang d'État observateur non membre des Nations Unies. Puis plus récemment, en janvier 2015, l'acceptation par l'ONU de son adhésion à la Cour pénale internationale. Une décision immédiatement condamnée par Netanyahou qui a dénoncé, je cite à peu près, une demande hypocrite faite par une autorité palestinienne qui n'est pas un État mais une entité liée à une organisation terroriste, le Hamas, auteur de crimes de guerre. Vous êtes donc pessimiste hein, quant à la création d'un État arabe qui coexisterait aux côtés d'Israël. Oui, oui, et aussi pour une autre raison assez mal connue. Tsahal, l'armée israélienne, a profondément changé. Les enfants des kibboutz, omniprésents autrefois dans les rangs des officiers, sont dorénavant supplantés par ceux qui ont grandi dans des colonies. Nourris par une idéologie religieuse extrémiste, obéiraient-ils aux ordres si une décision était prise d'évacuer toutes les colonies? Ça me semble très peu probable. Vous venez d'écouter la dernière émission de Rendez-vous avec X. Après plus de 18 ans de bons et loyaux services, j'ai en effet décidé de clore cette aventure. Alors, avec le temps des adieux, vient-il aussi celui des aveux? À commencer par cette question que vous êtes nombreux, chers auditeurs, à vous être posée. Monsieur X a-t-il jamais existé? Me faut-il reconnaître, pour reprendre la citation aussi célèbre qu'improbable du grand Flaubert, que Monsieur X, c'est moi? Je m'en garderai car la part de mystère de cet énigmatique Monsieur X a aussi fait le charme, sinon le succès, de cette si longue émission. Je m'en vais donc, au moins provisoirement, en gardant mes secrets. Mais je suis certain que les plus sagaces d'entre vous ont déjà leur petite idée. Avant de vous quitter, je remercie chaleureusement Rebecca de Nantes, infatigable et passionnée cheville ouvrière de notre émission, qui avait été précédée par Chrysilla Huillard-Kahn, et bien sûr Hélène Kouyoumdjian, Valérie Ayestaraï et Michel Biou, qui ont intelligemment mis en scène notre petite aventure magnifiée par la voix inimitable de Monsieur X. Enfin, je n'oublie pas Monsieur Djoub, pour son inventivité et son immense culture musicale. Longue vie au service public de la radio qui seul a pu donner le jour à un tel programme et qui, peut-être, le ressuscitera un jour. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site franceinter.fr qui vous permettra d'accéder à de nombreuses émissions proches et lointaines. Et tout de suite après le flash, c'est au de Mon amour de Denis Chessou.